termine avec la chronique Blockbuster, Frédéric Sigrist. Vous êtes content? Vous avez enfin vu Avatar 2, le nouveau film de James Cameron? Oui Mathilde, mercredi matin à 9h20 à l'UGC Ciné-Cité Léal. J'en suis sorti il y a 10 minutes. C'est si long que ça? À 3h20 quand même. Hein. Dont deux bonnes heures qui se passent sous l'océan de la planète Pandora. Et disons qu'il faut vraiment être sûr de son talent de réalisateur pour montrer autant d'eau à des gens qui ont envie de faire pipi. Mais bon, si ce n'est cette petite contingence technique, qu'est-ce qu'il fait bon terminer l'année avec un spectacle pareil? Ce qui force le respect avec James Cameron, c'est sa foi et sa conviction dans la mise en scène d'un cinéma à grand spectacle. Avec le premier Avatar, il avait une vision et 13 ans plus tard, il s'y tient. James Cameron, il n'aurait jamais pu faire de politique parce que lui, il tient ses promesses. Par contre, c'est le public qui a changé ces dernières années. Parce qu'entre les plateformes de streaming, la concurrence des jeux vidéo et les blockbusters de la dernière décennie, on est devenu au cinéma ce que Nelly Olson ou Dudley dans Harry Potter sont à l'enfance. Des enfants pourris gâtés du divertissement. Devant Tom Cruise qui saute sans parachute d'un avion pour intercepter un missile à main nue, on est capable de lancer un « Mouais, bof, il y a des faux raccords ». On est blasé d'une force, Mathilde. On en est à un point, rendez-vous compte, où Christopher Nolan, le réalisateur, fait exploser des vraies bombes nucléaires pour nous impressionner. Vous pensez que le public d'aujourd'hui va être sévère avec le film? Bah, il l'est déjà avec le premier film, en dépit de son succès. Ouais, Avatar, c'est Pocahontas chez les Schtroumpfs. Danse avec les loups chez E.T. C'est un film de White Savior. Le sauveur blanc, je suis bilingue. Et ces critiques sont infondées? Non, Avatar, c'est un peu tout ça. Et c'est pas le scénario d'Avatar 2 qui va changer ça. Car c'est une fois de plus prévisible pour quiconque a vu plus de 3 films américains ces 50 dernières années. Cette fois-ci, Jake et Neytiri, le couple de Navi, ces extraterrestres du premier opus, sont parents de 4 enfants. Lui est un père aimant mais trop autoritaire. Elle, une mère louve redoutable si on touche à un cheveu de sa progéniture. Deux fils très différents, l'aîné poli et obéissant, et le second plus rebelle et impétueux. Deux filles dont une adoptée, fruit d'une immaculée conception. On est dans un schéma familial américain hyper classique, on n'est vraiment pas loin de cet à la maison. Hein. Mais il faut être un grand naïf pour penser que James Cameron ne le sait pas ça. Cette famille, ces tribus d'indiens d'espace, on s'y attache très rapidement car justement on les connaît déjà. Ce sentiment d'être en terrain connu fait qu'on ne voit plus des grands extraterrestres bleus de 2 mètres au look chelou, mais une famille qui ressemble à bien des familles occidentales. L'Immaculée Conception en moins, parce que chez nous on appelle ça le facteur. On les comprend, on les aime, on pleure avec eux, car leurs yeux, technologiquement si bien faits, ces yeux-là, on les connaît. Le cinéma de James Cameron ne s'adresse pas aux Indiens, mais aux cow-boys, Mathilde. Donc il faut savoir utiliser les codes des cow-boys à eux pour mieux les transgresser. Car qui sont les méchants dans les films de James Cameron? Une machine Terminator habillée en policier dans Terminator 2, le complexe militaro-industriel colonisateur dans Aliens et Avatar, la très haute bourgeoisie dans Titanic. Cameron, il fait des gros films de gauchistes à très gros budget. Car ce qu'il veut vraiment nous faire découvrir dans Avatar 1 et 2, c'est Pandora, l'univers qu'il a créé de A à Z. Cette famille de Navi, ce sont nos guides touristiques, la porte d'entrée d'une planète qui est tout simplement l'avatar de la nôtre. Pandora, c'est la version magnifiée de notre Terre et de nos mers à nous. C'est moins un film de science-fiction qu'une fable écologique. Sur Pandora, les arbres et les plantes parlent, si on prend la peine de s'y connecter. L'équivalent des baleines s'exprime, compose des chants et de la musique. Mais est-ce que c'est pas paradoxal d'utiliser une technologie numérique pour faire l'apologie de la nature? Miyazaki le fait bien en dessin animé depuis des années et tout le monde reconnaît son génie. James Cameron est un technicien et un maître de la mise en scène qui connaît le pouvoir des images. James Cameron, pour nous sensibiliser à l'environnement, il va pas organiser des marches pour le climat. Il va équiper son studio de cinéma de panneaux solaires pour alimenter ses ordinateurs. Il va créer une cantine vegan et pendant 13 ans, il va barboter dans l'eau pour créer le blockbuster le plus écolo qui soit. Si le message environnemental doit être divertissant et passer par un écran pour être entendu, eh bien soit. En fait, on s'en rendait pas compte, mais James Cameron, c'est un peu Greta Thunberg si elle savait faire des blockbusters. Frédéric Sigrist pour la chronique Blockbuster à retrouver sur franceinter.fr. On retrouve vos podcasts également. Est-ce qu'il y a une nouvelle émission d'ailleurs? Oui, depuis hier, un entretien avec Ron et Florent Maudou, les auteurs et dessinateurs des bandes dessinées Moutafoukaz et Freak Squill, c'est passionnant. C'est mon blockbuster préféré depuis la rentrée. Ah oui, carrément. Bon, bah alors on va se jeter sur ce blockbuster spécial bande dessinée. Merci beaucoup Frédéric Sigrist.